Balay Gex, Peter Bert, Big Sauce. Un officier de terre 587. Mando 13 blots tous les jours, c'est fuck. On veut du poulet braisé dans l'assiette. M-A-F-I-A dans la pièce. Un officier de terre 587. Mando 13 blots tous les jours, c'est fuck. On veut du poulet braisé dans l'assiette. M-A-F-I-A dans la pièce. Un porc qui vole pas droit, c'est un hasa, moi je suis un losa. Scam, scam, tu connais le thème, c'est Cosa Nostra. Batman, c'est l'anarchie comme à Gotham. Ma patience a des limites, faut que tu la respectes. Baby, je suis dans la Guinée, j'ai bu tous les Henny, j'ai mon 9 mini dans la veste. On veut du poulet braisé dans l'assiette. Ma patience a des limites, faut que tu la respectes. Trouble fait, y'a que des bad bitches dans la pisse. Doggy, doggy, j't'aime en doggy. Doggy, Oji, Oji, j'fume la Oji. Boogie, woogie, mes diamants dansent le boogie. J'fais des roupies, même quand j'roupie, quoi neuf pouces. Let's go. Un officier à terre 587. Mando 13 blots tous les jours, c'est fuck. On veut du poulet braisé dans l'assiette. M-A-F-I-A dans la pièce. Un officier à terre 587. Mando 13 blots tous les jours, c'est fuck. On veut du poulet braisé dans l'assiette. M-A-F-I-A dans la pièce. On va mettre sur le fait que j'ai des palos. Hey, hey. On m'avait dit que le chat n'aimait pas l'eau, mais pourtant bizarrement je suis mouillé des chats. En guise de yoko négro, j'ai des calots. Hey, hey. Je revends la cheveu blanc, ouais, t'es mal à scala. Petit peu l'étaler, elle arrive jusqu'à là. Elle a vu les vues, et elle veut que le gaz la touche. Hier j'étais sur la touche, et aujourd'hui je lui dis de se toucher la touche. Et si tu veux, ramène ton rêve dans la tâche. C'est que la cape est détache. De la rue, je me détache. Quand puis je la ken, et puis elle s'attache. Comme d'hab, je calme mon demi-tour. Fly, hey. De midi à minuit, on est sous le porche. De minuit à midi, on est comme d'hab, je calme mon demi-tour. Fly, hey. De midi à minuit, on est sous le porche. De minuit à midi, on est dans le porche. Let's go. Un officier à terre 587. Mando 13 blots tous les jours, c'est fuck. On veut du poulet braisé dans l'assiette. M-A-F-I-A dans la pièce. Un officier à terre 587. Mando 13 blots tous les jours, c'est fuck. On veut du poulet braisé dans l'assiette. M-A-F-I-A dans la pièce.